sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Oui, bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche aujourd'hui, en ce 14 août 2009. Encore une belle émission. Il y a encore quelques nouveautés que j'ai débusquées cette semaine. Entre autres, un nouvel album des Handclaps. On en a déjà fait jouer quelques fois ici. Donc, nouvelle pièce des Handclaps cette semaine pour vous. Et il va y avoir du Vanesse Pariétaire, comme c'est rendu presque l'habitude depuis les dernières semaines. Mais je m'en lasse pas, donc ça risque d'en avoir encore pas mal. Il va y avoir du Mono Grenade aussi parmi les groupes qui ont... Mono Grenade, c'est un groupe qui a déjà joué ici, mais pas très connu encore. On a sorti un album, eux aussi, récemment. Il va y avoir du Mimi Van Der Glo aussi, mais on va commencer ça tout de suite avec la pièce « Le son des haut-parleurs » du groupe « Le Nombre ». Canada, bricole et poche pleine, à force d'envahir le monde, à force d'envahir le Mimi Van Der Glo avec la pièce Québec-Canada. Je vous rappelle que Mimi Van Der Glo sont en spectacle le 18 août prochain. C'est du côté du Gambrinus, ici, juste à côté de l'université. C'est à 21h le 18 août. Pour voir Mimi Van Der Glo, un des rares spectacles depuis la sortie de leur album, je pense que je pourrais pas y aller à cause de mon horaire de travail, mon horaire vraiment pénible. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est super bon, un spectacle. Mimi Van Der Glo, je les ai vus quelques fois. Ils donnent vraiment un très, très bon show. Juste avant Mimi Van Der Glo, on avait entendu le groupe Le Nombre avec la pièce Le Son des haut-parleurs. C'était une entrée en matière plutôt rock pour cette émission aujourd'hui. On va changer un petit peu de style pour continuer. On va en entendre une nouvelle pièce du groupe Mono Grenade, qui est un groupe que vous connaissez peut-être pas. On n'a pas reçu encore l'album ici, mais ça fait une ou deux fois que j'en fais jouer ici à l'émission parce que c'est une belle découverte que j'ai faite dans la dernière année. Un très bon groupe. C'est un rock assez planant, assez tranquille. Donc, comme je vous le disais, ça va changer un petit peu de style. On va entendre ça, la pièce ce soir de Mono Grenade, dans quelques instants. Mais juste avant ça, on écoute la pièce Ouvrier du Roi Poisson à la dernière porte à gauche. sa mère, il sait pas quoi faire. Passer pour rien. C'était Mono Grenade avec la pièce Ce soir. C'est extrait de leur EP qui s'appelle La saveur des fruits. C'est disponible sur iTunes maintenant. Et vous pouvez aller écouter 4-5 pièces même extraites de cet album-là sur le www.myspace.com/Mono Grenade. C'est un très bon son, celui de Mono Grenade. J'aime ça. Ça me fait un peu penser au groupe Éléphantine qui, eux, vont sortir un album bientôt. C'est le 25 août. C'est dans quelques jours, quelques semaines. Ça me fait un peu penser aussi au groupe L'Indice. Donc c'est pour ça qu'on va aller écouter une pièce du groupe L'Indice tout de suite. Ça s'appelle Malade comme la vie. On écoute ça tout de suite et ça va être suivi de Vanessa Pariétaire à la dernière porte à gauche. J'ai passé la journée étendue dans mon lit, toute la ville a la grippe. Moi je meurs d'ennui, si au moins je pouvais être malade comme ceux qui ont une raison pour être malheureux, pour être malheureux. Plusieurs gens ont dit que l'attente est un chant, un sonnet de mots qui allonge le temps. Je pensais être capable de plus avoir peur, mais rester célibataire m'empoisonne le cœur. Je suis comme cette ville, tout seul sur mon île, le cœur en exil, malade comme la ferme-toi les yeux et recense les muses de ton mieux. Mais mon meilleur ami m'a dit ouvre-les, regarde dans la rue, évite ton reflet. J'ai fait ce que j'ai pu, suivre mes instincts, mais dans la clarté je perds tous mes moyens. Je préfère rêver qu'un jour dans la noirceur une étoile viendra me chauffer le cœur. Je suis comme cette ville, tout seul sur mon nez, le cœur en exil, malade comme la vie. Vanessa Parietter et la pièce Bois Vert. Je vous le répéterai toujours, c'est au www.vanessaparietter.com que vous pouvez aller télécharger cet album-là gratuitement. Maintenant, on va aller en pause, mais restez là parce que de l'autre côté, il reste encore des nouveautés à venir. Il reste les N-Claps, une nouveauté aussi de Kanish Arakiri que vous connaissez peut-être pour avoir joué un petit peu ici, assez fou. Bref, il reste encore une demi-heure de bonne musique à venir. On s'en va en pause tout de suite. Thank you. Je viens de me rendre compte que j'avais peut-être tabletté cet album-là un peu trop vite. Labyrinthe de Malajub, c'est sorti, ça fait pas si longtemps, c'est seulement au printemps, puis ça fait déjà très longtemps que je l'avais pas écouté. Ouais, je l'avais rangé un petit peu trop loin. C'est un très très bon album, celui de Malajub. Labyrinthe, Malajub vont être en spectacle bientôt à Drummondville, pas très loin. C'est le 5 septembre dans le cadre du Festival de la Poutine. Vous avez sûrement entendu le festival, entendu parler du Festival de la Poutine. C'est organisé par les Trois Accords. Ça se passe à Drummondville. C'est les 4 et 5 septembre prochains. Donc, il y a plein de kiosques où vous pourrez déguster toutes sortes de poutines. Cette année, ce qui est différent comparé à l'année dernière, c'est qu'il y a plusieurs restaurants qui vont être représentés. Donc, vous pourrez goûter à plusieurs sortes de poutines et puis peut-être faire créer une compétition entre celles-ci. Mais bon, peu importe, pour la portion musique du festival, c'est vraiment très, très intéressant. Il y a entre autres David Marin, Cœur de Pirate, avec podcast, mais aussi de très gros noms. Il y a Les Vulgaires Machins, Malajub, Radio. Il va y avoir aussi d'autres trucs qui nous intéressent un peu moins. Mais bon, tout ça, pour les deux jours, ça coûte seulement 25 douilles. Puis c'est en pré-vente de maintenant pour seulement 15$. Donc, tous les groupes que je viens de vous nommer pour 15$, c'est vraiment pas cher. Puis en plus, de la poutine à profusion. Vraiment un super événement, le Festival de la Poutine à Drummondville. C'est les 4 et 5 septembre prochains. Maintenant, on va aller écouter une pièce du nouvel album des Endclaps. En fait, c'est leur premier album. On a déjà entendu quelques trucs ici. On avait reçu, entre autres, je crois, un son pour la pièce Pastiche. Et il y a aussi la pièce Cacti Are Delicious Fruit qui se retrouvait sur l'album Sodec 2008-2009, en tout cas, sur une compilation qui a joué beaucoup ici, assez fou. Donc, c'est ça sur leur MySpace qui est www.myspace.com/ Les Endclaps. Il y a quelques pièces qui sont en écoute, mais malheureusement, il y en a seulement une en français. Puis c'est pas une nouvelle. Bref, c'est Pastiche, une pièce qui a déjà joué pas mal ici, assez fou. On va écouter celle-là, puisque, bon, vous connaissez la règle seulement de la musique francophone ici à la dernière porte à gauche. Mais sinon, vous pouvez aller faire un tour sur leur MySpace puis entendre d'autres pièces des Endclaps. C'est vraiment très bon. Donc, on écoute ça tout de suite, la pièce Pastiche des Endclaps à la dernière porte à gauche. Plastique et chic, chiche mon pastiche et chiche. Chaque son échec en check. Chiche mon plastique et chic, chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon plastique et chic, chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon plastique et chic, chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche, chique mon plastique et choc, électrochoc, je me choque. Maybe I make your baby already numb. It may be too late for you to be mine tonight. Maybe I make plastique et chic, chiche mon pastiche et chiche. Chaud est mon chapeau, chapeau. Chique mon plastique et chic, chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic, chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic, chiche mon pastiche. Guitare. We'll be right back. plastique et choc, choc, choc. Chique mon plastique et choc, électrochoc, je me choque. Chique mon plastique est chic. Chiche mon pastiche et chiche. Sache que les sachets s'attachent. Chique mon plastique est chic, chic, chic, chic. Maybe I'm maybe. Encore des mélodies, devant eux je l'accepte. De plus être à l'abri. Moi je garde ma veste, pas salir le smoking. Comme une remise en stock. Remarqué sur la ligne, fantasque, facile. Personne, jetable, méprise, audace. Pied sur la table, erreur. Numéro avec la pièce Arbando, vraiment un très très bon album, celui de numéro qui s'appelle Sport de combat. Ça fait plusieurs semaines en ligne que je fais jouer des extraits de cet album-là parce que c'est vraiment très bon et je pense que je suis pas le seul qui aime ça. Maintenant, je pense que c'est terminé pour l'émission. Il reste juste 5 minutes, donc on va avoir le temps pour une dernière pièce. Moi, je vous rappelle, avant de quitter, que vous pouvez aller visiter le www.assemblagerequis pour avoir, entre autres, toutes les pièces qui ont joué à l'émission, pour avoir aussi tous les renseignements concernant les autres émissions de moi, Kiwan et Mathieu Plante aussi. Suivez aussi les nouvelles concernant les nouvelles émissions quotidiennes qui commencent dès septembre ici à C'est Fou. Vous pouvez tout avoir les informations sur le www.assemblagerequis.com et aussi sur le www.cfou.ca. Si vous écoutez en direct les vendredis, bien c'est les lutins de l'enfer qui s'en viennent. Je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de C'est Fou et on se laisse avec du 4D. On a fini l'émission pas mal dans l'électro, donc on va continuer dans cette veine-là. On va écouter la pièce Les morts vivants sifflent de 4D. Vous venez d'écouter La dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou et je vous dis bye bye, à la semaine prochaine. De verre et de nourriture, tourne ta tête et regarde-les venir vers toi. Ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux, tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches par la fenêtre, tu vises les torches. Oh. derrière toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout, ils sont muets, mais l'armement, je vous ai pas. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impile est plus dans l'impertinent. Qui quitte les corps morts, prend son temps avec une pioche, tu les traverseras. Ils sont debout et sont muets, mais l'armement je vous épargne, même sans le cœur.